L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce week-end, rendez-vous à Lunéville pour la 35e fête du Potimarron. Michel Ongaretti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société d'horticulture de Lunéville. Pouvez nous dire un peu le concept de cette fête du Potimarron à Lunéville? Alors, la fête du Potimarron à Lunéville nous permet de commercialiser nos cultures, notre récolte de curcurvitacées. On a à peu près 40 variétés différentes de curcurvitacées. On n'a pas que ça sur cette fête, bien entendu. On a des pépiniéristes qui viennent, qui font de la plante vivace. On a une céramiste qui nous fait de la décoration de jardin. On a un apiculteur qui est présent chaque année. On a la libraire de Lunéville qui vient, qui vend ses livres, qui ont un rapport avec le jardin, bien entendu. Les services espaces verts qui viennent faire des compositions florales et qui, comme chaque année, organisent un petit concours du poids du plus gros curcurbitacé. Où, vous savez, on expose un curcurbitacé, les gens doivent deviner le poids. Et chaque fois, c'est pour une association caritative qui traite les maladies des enfants. Donc tout ça se passe dans la cour des communs du château de Lunéville, ce week-end, 27 et 28. Je crois aussi qu'il y a aussi des créations artistiques autour de ce légume. Oui, bien sûr, on a aussi un atelier avec des adhérents qui travaillent toute l'année pour faire des décorations à base de curcubidacées. On a des calebasses, on a des choses qui ont été cultivées et qui sont décorées par une équipe. L'équipe décoration de la société d'horticulture. Donc voilà, plein de découvertes à faire, aussi bien visuelles avec les décorations qui sont proposées, mais aussi gustatives avec plein de manières de déguster ces légumes. Oui, vous avez comme chaque année le pain au potimarron. On appelait ça le pavé du château de Lunéville. On aura aussi de la soupe au potimarron. Et bien entendu, il y aura des crêpes qui seront réalisées, et puis une petite restauration. Et vous, Michel Ongaretti, en tant que président de la société d'horticulture de Lunéville, vous avez une recette ou une manière de déguster les potimarrons? J'ai pas de recette à vous donner, mais elles seront distribuées, si vous voulez, tout au long des deux journées. Elles seront distribuées en même temps que les personnes achèteront les curcurbitacées. Il y a des recettes qui sont en face, qui sont données... au public. Bien, rendez-vous ce week-end des 27 et 28 septembre dans la cour des communs du château de Lunéville pour la 35e édition de la fête du Potimarron. Merci beaucoup Michel Ongaretti. Je vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.